travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Avez-vous d'ailleurs depuis longtemps relu dans le journal des Goncourt la description du grenier d'Auteuil ou d'un salon de Saint-Gratien ? Vous demeurez confondu devant ces plafonds tendus de velours noir, ces dorures, ces potiches, ces ombrelles, ces animaux empaillés, toute cette bibeloterie qui fut si chère aux inventeurs du style arctique. Oui, cela semble loin, vraiment très loin. Et cependant, c'est si près que quelques familiers du grenier sont là parmi la foule. Le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, en intitulant cette émission « Les frères Goncourt, survivance d'une méchanceté », je savais bien que je risquais de me voir retourner aussitôt le vocable pour démontrer que c'était la mienne de méchanceté que je révélais ainsi, en paraissant réduire leurs traces à ce seul qualificatif. Sans compter le risque de m'attirer le blâme de l'Académie Goncourt, qui est leur enfant, riche de tout le prestige des prix qu'elle décerne. On admettra peut-être en tout cas que cette formule constitue une porte d'entrée assez convenable vers le célèbre, le prestigieux journal légué à la postérité. Il suffit d'ailleurs d'en ouvrir quelques pages au hasard parmi des milliers pour se rappeler que, comme le disait Henri Janson, on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Au surplus, je vais donner à un grand spécialiste de ce couple littéraire l'occasion de démontrer une heure durant, s'il le souhaite, que, comme d'habitude, les choses sont plus compliquées et de débusquer, dans le journal des Goncourt, des tendresses cachées. Pierre Dufieff, professeur émérite à l'université de Paris-10-Nanterre, est président de la Société des Amis des Frères Goncourt et il vient de publier, en complicité avec Jean-Louis Cabanès, une biographie magistrale qui est consacrée à ces témoins irremplaçables en gémellité fusionnelle d'un demi-siècle de la vie littéraire, politique et sociale. Il va lui revenir, s'il le souhaite, de tempérer l'abrupt de mon titre et de nous montrer les raisons pour lesquelles ces prestigieux diaristes, tout enracinés qu'ils soient dans leur époque, retrouvent depuis quelque temps une remarquable vitalité. Sur les riches et sur les pauvres, sur les soudaines pulsions d'un peuple en colère, sur la liberté de l'artiste en face de tous les pouvoirs, sur les responsabilités de la littérature, ces anti-modernes peuvent en effet trouver des échos peut-être inattendus dans notre modernité à nous. Et pour commencer, le témoignage de Roland Dorgelès, l'auteur du roman fameux de guerre « Les Croix de bois », qui parle des frères Goncourt. Je relisais le journal des Goncourt. Pas encore la partie inédite, mais ça viendra. On est tellement pris, vous le savez, quand on ouvre au hasard un des 9 volumes, qu'on ne peut plus s'en arracher. Toute la fin du 19e siècle y revit. Tous ces grands personnages y défilent. On a l'impression d'être reçu chez la princesse Mathilde ou invité au dîner Magny, et dont on parlait Renan, Théophile Gautier, Georges Sand, les Dumas, Flaubert, Gambetta, Taine, Sainte-Beuve, Zola, Daudet et tant d'autres. L'oreille attentive du vieux maître a tout entendu, et sa plume magique nous rend la vérité jusque dans son accent. Cas, je crois, unique dans l'histoire littéraire, pour les 45 années de mémoire publiées de son vivant, Edmond Goncourt n'a pas enregistré un seul démenti. Et lorsque Renan protesta pour des propos vieux de 20 ans qui lui étaient prêtés, il ne trouva pas un seul témoin de l'incident pour le soutenir. Ce que rapporte Goncourt, c'est l'histoire même prise à ses sources. Quand on a parlé de publier enfin la partie inédite de ce prodigieux journal, certains ont exprimé des craintes. Qu'importe après tout la cruauté des croquis et si le portrait ressemblant. Comme toutes les grandes œuvres, il échappe au temps. Tenez. Et je vais vous donner, pour finir, une preuve surprenante de son actualité. Goncourt, dans son journal, a même prévu la bombe atomique. Oh non, c'est pas possible. Vous allez voir. Laissez-moi retrouver la page. Voyons. Je sais qu'à la radiodiffusion, il est dangereux de parler de bombe atomique, mais je vais m'y risquer. Je vous en prie. Voilà. Le 7 avril 1869, vous entendez bien, 69, il y a près de 80 ans, Goncourt, rendant compte d'un dîner magni, écrivait « Berthelot avait prédit que dans 100 ans de sciences physiques et chimiques, l'homme saurait ce que c'est que l'atome, et qu'avec cette science, il pourrait à son gré modérer, éteindre, ranimer le soleil comme une lampe. » C'est un effet surprenant. Et Goncourt ajoutait avec philosophie « Nous croyons bien qu'à ce moment-là de la science, le vieux bon Dieu à barbe blanche arrivera sur la terre avec son trousseau de clés et dira à l'humanité, ainsi qu'on dit au salon à 5 heures, « Messieurs, on ferme !» Pierre Dufief, bonjour. Bonjour. Roland Dorgelès s'exprimait là dans la tribune de Paris de Paul Guimard le 23 février 1946. Il faut rappeler que Berthelot, c'est Marcellin Berthelot, le grand chimiste qui était très optimiste sur les effets positifs que la chimie pourrait avoir au XXe siècle. Mais l'essentiel n'est pas là. Comment réagissez-vous à ce texte? Est-ce qu'il vous paraît sonner juste, être pertinent? Oui, alors je pense qu'à certains égards, le texte est effectivement très très juste, dans la mesure où les Goncourt, en écrivant leur journal, ont voulu préparer pour les historiens de l'avenir, les historiens de la littérature, un témoignage qui pour eux était absolument essentiel. À l'origine, eux-mêmes sont historiens, ils sont sensibilisés à l'importance du document et le journal a d'abord cette valeur documentaire. Alors, en ce qui concerne la remarque de Dorgelès sur la vérité absolue des témoignages de Goncourt, sans doute... Est-ce qu'il y a une vérité absolue des témoignages? Bon, alors d'abord, la vérité des témoignages, elle est subjective. Hein. Les historiens le savent bien. Chacun voit les choses avec son propre regard, avec ses préjugés, avec sa formation. Et les Goncourt, par ailleurs, avec une certaine naïveté. Et à la fin de sa vie, on raconte qu'Edmond de Goncourt se laissait facilement duper par Jean Lorrain, qui était un voisin d'Edmond de Goncourt à Auteuil, et qui est un auteur sulfureux de la fin du XIXe siècle. Bien oublié aujourd'hui, mais qui compta à l'époque. Mais qui compta à l'époque, effectivement, et donc qui s'amusait à lui raconter, à colporter par son relais des histoires un peu fausses, espérant ainsi les faire passer à la postérité. Alors, en ce qui concerne la publication du journal, je crois que la remarque de Dorgelès est intéressante aussi, parce que le journal n'a pas été publié sans difficulté. Edmond de Goncourt, de son vivant, a commencé à en publier des extraits à partir de 1887, et il a poursuivi pendant quelques années. C'est-à-dire 8 ans avant sa mort. 8 ans avant sa mort, c'est ça, puisqu'il meurt en 96. Et donc, il publie des extraits, et il disait que c'était la partie positive, gentille, heureuse de la vérité qu'il donnait, et que la vérité totale paraîtrait seulement après sa mort. Et dans son testament, il avait prévu la publication du journal 20 ans après sa mort. 20 ans après sa mort, c'est-à-dire en 1916, évidemment, les événements ne permettaient pas une publication à ce moment-là. Alors quand a-t-on eu en main la version définitive, y compris avec toutes les méchancetés que j'évoquais tout à l'heure? Alors la version définitive, bon, on l'a eue relativement tardivement. Des pressions très fortes se sont multipliées à l'égard de l'Académie hein, pour obtenir l'autorisation de publication. L'Académie avait très peur d'un procès. Lucien Descaves, qui était académicien, craignait qu'on les poursuive pour diffamation, ou en tout cas pour les méchancetés que le journal colportait. C'est seulement en 1956 que Robert Ricat s'est lancé dans la reproduction et dans la publication du journal, qui est paru tout d'abord aux éditions de Monaco, et puis ensuite, beaucoup plus tard, en livre de poche chez Bouquin, ouvrage qui a d'ailleurs eu un très très grand succès. Hein. L'édition qui a été proposée avec une présentation par Robert Kopp a été un succès de librairie. Alors une dernière remarque sur le propos de Dorgelès. Dorgelès évoque cette anecdote où Marcellin Berthelot annonce la destruction de l'humanité par l'atome. Alors, est-ce qu'il l'annonce? Oui, enfin, il l'évoque sur un mode amusé. Oui, parce qu'en réalité, il croit le contraire. Il a des textes de Berthelot qui expliquent que le XXe siècle va être un moment délicieux grâce à la chimie. Edmond tire peut-être, dans le passage du journal, les choses au pessimisme. C'était son tempérament. Et puis, ce sont les hantises de la fin de siècle. Hein. On a une obsession à cette époque de la fin du monde, de la disparition du monde. Et je dirais qu'il y a une petite ambiguïté de la part de Goncourt dans sa retranscription des propos de Berthelot. Alors, je voudrais revenir sur la provocation que j'ai esquissée tout à l'heure, Pierre Dufief, sur cette sorte de détestation universelle que pouvaient éprouver les Goncourt, qui, c'est peut-être au service d'une acuité du regard dans certains cas. Mais enfin, c'est un peu sidérant. Je prends la liste que propose dans un autre ouvrage récemment paru de Pierre Ménard, Les infréquentables frères Goncourt. Il dit, peut-être trouverez-vous ça exagéré, il déteste Napoléon III, les juifs, les femmes, les parvenus, les pédérastes, la bohème, la république, les grenouilles de Bénitier et les chats de gouttière, les heureux et les malheureux du monde, les gens passés et à venir. Vous voyez que je souhaitais appuyer mon propos initial, par prudence. Tout à fait. Alors, je mettrai un bémol peut-être pour les chats de gouttière, parce que, bon, les Goncourt aimaient les chats, même si Edmond regrette, Jules plutôt, regrette un jour d'avoir tué un chat d'un coup de fusil. Utile mais... mise au point. Très importante mise au point, mais la détestation est à relativiser. Les Goncourt sont Ross dans leur journal, mais je dirais que c'est un trait quand même du journal intime, du journal personnel en tout cas, que la méchanceté. Si on lit le journal de Léoto, on s'aperçoit que Léoto est encore peut-être bien plus méchant avec ses contemporains que ne sont les Goncourt. Alors les Goncourt ont un art de la caricature. La rosserie, c'est aussi ce qui fait l'intérêt et l'agrément du journal. Et alors, d'autre part, les Goncourt, peut-être, sont des moralistes. Et les moralistes ont tendance à voir derrière les beaux sentiments, derrière l'apparente générosité, ce qui est négatif dans l'individu. Et je pense qu'il faut les inscrire dans cette tradition des moralistes aussi pour comprendre leur désir de voir constamment l'envers des choses et peut-être le mauvais côté, ou sinon le mauvais côté, le petit côté des individus. Il est vrai que cela sert parfois la vérité, mais tout de même, je vais vous proposer une brève anthologie de description de ses contemporains, en choisissant ceux qui sont bien connus. Renan, Ernest Renan, croisement du porc et de l'éléphant. Gambetta, il a le physique d'un courtisan de la petite bourse des valeurs, à la barbe d'ombre juive. Sainte-Beuve ressemble à un ortolan plumé avec un gros ventre. Jules Ferry, c'est un maître d'hôtel d'un cabinet pornographique de restaurant, etc., etc. Oui, alors, bon, je dirais qu'on retrouve là l'art de la caricature tel qu'il est pratiqué dans les petits journaux. On voit toujours la référence de l'homme à l'animal. Il y a peut-être une part de jeu aussi dans ces descriptions, une part de jeu, une part de provocation, une part certainement aussi d'agacement. Le journal, c'est l'exutoire, c'est la catharsis, c'est ce qu'on peut pas dire aux autres. Et donc, on s'y défoule. Et donc, je pense que dans ces portraits caricaturaux, il y a aussi une part de défoulement, une part d'exercice, certainement. Et puis, peut-être aussi, effectivement, une part de jalousie, une part d'agacement. Edmond de Goncourt, en tout cas, quand il fait le portrait de Gambetta, est très anti-républicain. Et évidemment, il n'est pas favorable au personnage qui incarne la République à ce moment-là. Il me semble que le rapprochement avec la caricature est très, très bienvenu. C'est en effet un grand moment de la caricature, depuis Philippot, Daumier, etc. Absolument. Et sous la troisième, les hommes politiques avec des têtes d'animaux. Or, les Goncourt ont commencé comme aquarelliste et comme peintre. C'est une évolution intéressante vers la littérature. Tout à fait, ils ont commencé comme aquarelliste et ils ont commencé aussi comme petits journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur début dans la petite presse. Ils ont commencé à écrire dans les journaux qui appartenaient à l'un de leurs cousins, Villedeuil. Et donc, ils sont un peu immergés dans ce monde de la petite presse, dans ce monde de la caricature. Bon, Daumier, que vous évoquiez, les intéresse, puisqu'ils vont d'ailleurs lui consacrer un article. Il y a chez les Goncourt, effectivement, cette marque forte de la petite presse et de ses procédés. Et lorsqu'ils font des croquis, lorsqu'ils font de l'aquarelle, à leur début, ils s'intéressent davantage aux paysages, plus qu'aux individus. Bon, peu de portraits dans leurs aquarelles, dont certaines sont conservées au Louvre. Plutôt des paysages, lorsqu'ils traversent la France à pied dans leur jeunesse en 1848, on les voit dessiner des chapiteaux d'églises gothiques, on les voit ensuite faire, lorsqu'ils sont en Algérie, des aquarelles d'Alger, des dessins d'Alger, mais peu de portraits. Eh bien, puisque vous évoquez leur jeunesse, Pierre Dufieff, il convient probablement qu'à ce moment de notre conversation consacrée au Goncourt, nous revenions sur leurs origines. D'un côté l'Ancien Régime, du côté de la mère, et le bonapartisme du côté du père, qui est un officier blessé à la Moscova, oui, et qui est demi-solde. Absolument. C'est important, non ? Tout à fait. Du côté paternel, la famille est d'origine provinciale, avec une promotion, je dirais, balsacienne, puisque l'arrière-grand-père a été anobli par l'achat d'une petite terre, d'un moulin, la papeterie, donc dans le Bassigny-Lorrain. Tout autour de son champ fit un fossé bourbeux et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux, c'est ça ? C'est un peu ça. Il est donc anobli en 1787. Bon, il rajoute à son nom de Huot la particule de Goncourt, et les Goncourt eux-mêmes sont à la fois fiers de leur noblesse, mais ils disent aussi qu'elle est très, très récente. Donc une famille d'origine provinciale, terrienne. Le grand-père va avoir un certain nombre de responsabilités au moment de la Révolution. Il va faire partie de l'Assemblée constituante, où il va représenter sa région. Il va faire partie des tribunaux locaux. Et il va aussi profiter de la situation pour enrichir son patrimoine, acheter des terres. Des biens nationaux, absolument. Des biens qui appartenaient à des aristocrates pour une maison, des biens qui appartenaient à une abbaye pour ces terres des gouttes basses qui appartenaient à la vieille abbaye de Morimont. Donc là, quand même, les Goncourt sont les héritiers de la Révolution française et de ses conséquences sociales. Absolument. Et puis de l'autre côté, la mère qui en conduit vers l'Ancien Régime, qui sera pour les deux frères Goncourt le lieu de la nostalgie, 18e siècle. Alors, le père du côté paternel, donc le père, comme vous l'avez très bien rappelé, qui était soldat de l'Empire, qui a fait en tant qu'officier les campagnes de Napoléon, qui a parcouru l'Europe, l'Italie, l'Autriche, qui est allé jusqu'en Russie. Et du côté de la mère, donc une origine beaucoup plus aristocratique, beaucoup plus argentée aussi, puisque c'est une famille qui comporte des hauts fonctionnaires, des fermiers généraux, puisque le premier mari de la grand-mère était un fermier général, Courmont, qui a été guillotiné au moment de la Révolution, lorsqu'on a guillotiné un certain nombre de fermiers généraux. Ça, c'est important dans la mémoire des Goncourt, le fait qu'il ait été en effet raccourci. C'était le premier mari de la grand-mère, puisqu'elle s'est remariée ensuite avec un fournisseur aux armées qui a disparu par la suite très rapidement. Mais ça ne diminue pas la force de la mémoire. Ça ne diminue pas la force de la mémoire. Ça pose quand même une question. La grand-mère était divorcée. La famille a toujours caché cette tâche, puisque le divorce avait été momentanément autorisé, mais ensuite, sous la Restauration, sous le Second Empire, etc., c'était fort mal vu. Donc, un milieu d'argent qui renvoie à l'Ancien Régime, et Edmond sera, jusqu'à la fin de sa vie, légitimiste. Petit rentier. Moins riche que Flaubert, mais avec quand même une aisance matérielle qui, après la mort de leur mère, les revenus de leur ferme, ils possèdent 108 hectares de terre, bon, ce qui n'est pas énorme, enfin, qui représente un petit revenu à l'époque en Champagne, en Lorraine, et un immeuble parisien qui sera vendu et qui va leur donner quelques ressources. Donc, ils définissent leur vie quotidienne dans une proximité quand Jules meurt prématurément de la syphilis en 1870. Son frère dit « Je suis veuf ». Tout à fait. Leur existence est une existence absolument fusionnelle. Et là, on peut peut-être dire quelques mots de la gémellité des Goncourt. C'est une gémellité construite, puisqu'il y a entre les deux frères 8 ans d'écart. Ils ont des tempéraments très différents. Jules est beaucoup plus espiègle, Edmond beaucoup plus sérieux. Mais à partir de la mort de leur mère, qui meurt en joignant leurs mains, se scelle une sorte de fusion fraternelle qui fera que les deux frères penseront ensemble, rêveront parfois, c'est le journal qui emporte témoignage, ensemble. Ils ne se quitteront jamais, sauf une journée lorsque l'un d'entre eux ira à Rouen recopier des lettres pour une édition. Cela évoque un peu Rémus et Romulus, mais sans que Romulus ait tué Rémus. Dans la littérature, je ne vois pas tellement d'équivalent, sauf peut-être les frères Tarot. À l'époque des Goncourt, finalement, ces couples fraternels se sont multipliés. Il y en a d'autres. Il y a les frères Rony, les frères Marguerite. Rony l'aîné, le romancier de la préhistoire. Et les frères Marguerite, mais bon, l'entente n'a jamais été aussi fusionnelle. Et ce sont des couples qui se sont généralement rapidement dissous, alors que les Goncourt sont restés dans une intimité et une fusion constante jusqu'à la mort de Jules. Eh bien, comme je ne veux pas vous faire attendre davantage pour qu'on puisse entendre la voix des Goncourt, le journal, voilà un extrait qui remonte à juillet 1855 et qui évoque une scénette que vous allez découvrir avec nous, et où on voit assez bien la manière dont les deux frères se répartissent entre eux les attitudes. Il y a un côté fenêtre sur cour, vous savez, au sens de Hitchcock, vous allez voir. Dans la maison, en face la mienne, au premier, séparée par une cour, je m'aperçois qu'une femme regarde. et regarde sans cesse du côté de nos fenêtres. Cette femme est une femme honnête, elle a une voiture et un mari. Elle s'appelle la comtesse de L. Parfois, je m'abuse à regarder derrière mes persiennes. Elle darde alors en semblant caresser sa petite fille des regards brûlants de ses yeux levés qui lancent des flammes. L'œil d'une femme, même pas plus belle que celle-là, qu'on sait toujours là, cherchant le vôtre, accroché à votre fenêtre, attire magnétiquement. Je m'amuse de ce regard derrière lequel je vois une pensée fixe et de tous les instants. Toutes sortes de choses passent dans ce regard implorant, par moments fauve, mouillé de prières, suppliant de désir dont je suis le pôle. Cela devient à la fin agaçant, irritant, ce désir vous enveloppe, cette prière vous appelle, ce regard vous entre dans les sens. On finit par vouloir d'une femme dont on n'a pas envie. Un jour, je tombe face à face avec elle et son mari chez Gavarni. Le lendemain, je suis à mon poste. Madame L s'habille, met son chapeau, met et remet ses gants, explique avec de grands gestes à son mari qu'elle sort. Regarde, appelle de l'œil, descend l'escalier, regarde par les fenêtres des paliers. Lui se jette dans sa chambre, chausse ses bottes, un gilet à son frère, etc., et dégringole les escaliers. Aperçoit sa robe grise et son mantelet noir tournant au coin de la rue Olivier. Il presse le pas et marche derrière elle. Tente trois fois de lui parler, s'arrête, recule, se figure que tout le monde lui lit dans la poitrine. Enfin, au moment où elle est arrêtée sur un bout de trottoir, s'approche et lui dit d'un ton strangulé « Il y a bien longtemps, madame, que je n'ai pas eu le bonheur de vous voir chez Monsieur Gavarni. Madame, où vous revoir ?» La femme s'arrête. Lui s'accote à une devanture de boutique. « C'est impossible. » « Oh, madame, pourquoi ne pas mettre un roman dans votre vie ? Un roman, soupirant. « Ah, c'est bien sérieux pour moi, souriant admis. Mon mari me défend d'en lire. » D'un ton ému, attendrissant son regard, « Oh, madame, vous ne me laisserez pas ainsi. Je vous reverrai, et pourquoi ? C'est un jeu pour vous, une chose sérieuse pour moi. Je déménagerai, et ça ne laissera pas grand trace. Il vaut mieux, bien mieux, qu'il n'y ait rien entre nous. » Le dimanche, le frère sceptique conseille de la laisser cuire dans son jus et l'accorde qu'un œil de 10 minutes le soir. La femme s'accoute désespérément, s'en va. Le lundi, le frère sceptique conseille de recommencer le jeu pour préparer un rendez-vous le mardi, jour où Jules se fera beau et se fera faire sa barbe. C'était un extrait du journal des Goncourt de juillet 1855, lu sur les antennes de la radio d'État par l'admirable Michel Bouquet le 15 mai 1956. On y est, Pierre Dufieff, on est avec eux, ces deux étranges personnages. Et on est dans leurs intrigues sentimentales, effectivement, assez étonnantes. Hein, et nous voyons ici Jules dans le personnage du séducteur assez cynique. Et ça sera d'ailleurs une dimension importante de sa personnalité. Hein. Jules est beaucoup plus cynique, Edmond beaucoup plus sentimental. Edmond songera d'ailleurs à plusieurs reprises au mariage, alors que apparemment chez Jules, l'idée ne viendra jamais. Et il adopte ici une posture qui est en quelque sorte en mimétisme avec leur admiration pour le XVIIIe siècle. Ce sont des lecteurs des Liaisons dangereuses, de Laclos, qu'ils admirent beaucoup. Ce sont des lecteurs aussi d'Andrea de Nercia, qui est un écrivain qui publie des ouvrages un peu licencieux, libertins. Ils détestent Sade, par contre. Pour eux, Sade, qu'admire Flaubert, est un écrivain qui pratique la cruauté, et la pratique amoureuse de Sade leur répugne absolument. Mais il y a donc ici, véritablement, le libertinage mis en scène, de façon à la fois amusante et très réaliste, hein, avec ce désir de maîtrise, et aussi, il faut le reconnaître, un relatif mépris de la femme qui est réduite au rang d'objet qu'on manipule. Quand vous dites relatif, vous êtes bon. Je relève au samedi 25 janvier de l'an de grâce 1890, sous la plume d'Edmond. Au fond, la femme est la femme la plus intelligente du monde, n'a pas plus d'idées à elle que les enfants intelligents. Elle n'est que le gracieux perroquet des imaginations, des pensées, des paroles de l'homme et le joli petit singe de ses goûts et de ses manies. Ils ont écrit aussi « La femme, nous l'avons réduite dans notre existence à sa plus simple expression, à la possession hebdomadaire ». Je pourrais multiplier les citations. Oui, alors, on est vraiment en discordance des temps, Dieu merci. Dieu merci pour les femmes, les choses ont évolué. Et c'est, je veux dire, bon, sont là des propos qui aujourd'hui choquent le lecteur. Les femmes empêchent de causer, elles font plus de bruit que les idées. Oui, il y a toute une série de propos, effectivement, profondément misogynes, hein, qui ponctuent le journal, et qui sont quand même, je dirais, parfois des propos de fumoir. Hein, ce sont des provocations, parce que les Goncourt, bon, admirent les femmes. Il est quand même significatif qu'ils consacrent leurs ouvrages historiques aux femmes du XVIIIe siècle. Leurs romans aussi ont tous, la plupart, ont des titres de femmes, de noms de femmes. Leurs romans ont des titres de femmes. Ils sont fascinés par la féminilité, mais ils véhiculent constamment ce stéréotype de l'infériorité intellectuelle de la femme. La femme n'est pas créatrice, la femme ne peut pas être artiste, et si la femme a des qualités d'artiste, comme George Sand, elle est au fond un homme. Donc il y a chez eux quelques exceptions. Envisageons par exemple Julia Daudet, la femme d'Alphonse Daudet, qu'ils admirent beaucoup, qui d'ailleurs leur rappelle l'importance des femmes. Et il y a des disputes entre Edmond et Julia à propos du sort et de la situation des femmes. Elle lui reproche ses propos misogynes. Bon, mais il l'admire sincèrement. Mais la misogynie, sinon, est effectivement très constante et très récurrente. Sauf peut-être, par exemple, à l'égard de Marie-Antoinette, auquel il consacre un livre. Il faut s'attarder un instant sur la période des Goncourt comme historiens. Est-ce qu'ils sont vraiment des historiens? Et c'est toujours le XVIIIe siècle qui les passionne. Et la période du Directoire aussi. Oui, ils ont, je dirais, consacré plusieurs ouvrages en 1854-1855 à l'histoire de la société française sous la Révolution, tout d'abord, sous le Directoire ensuite. Ils ont consacré ensuite une biographie qui a eu un certain succès à Marie-Antoinette, un personnage qui les fascine parce qu'ils sont fascinés par les victimes. C'est une femme victime, c'est une femme qui représente la monarchie aussi, qu'ils admirent, et donc c'est un très bel ouvrage. Alors, leurs ouvrages historiques sont assez intéressants, sont des ouvrages qui sont nourris d'une documentation surabondante, ce sont des fouilleurs d'archives, des quêteurs de sources inédites. Ce sont des auteurs qui ont une vision de la Révolution qui s'oppose totalement à la vision libérale. Pour eux, la vision n'est pas une libération de la France, c'est pas une libération qui a permis le progrès. C'est un moment qui a favorisé l'anarchie, le triomphe des individualismes. Ce sont des conservateurs, mais des conservateurs qui sont très différents d'auteurs comme Joseph de Maistre, qui voit Bonald, qui voit dans la Révolution une sorte de châtiment imposé à la France. Pour eux, l'idée religieuse n'a pas de raison d'être, mais la Révolution est une rupture qui marque la fin d'un ancien monde, la disparition d'une société d'élite et de délicatesse, le XVIIIe siècle. On peut dire qu'ils sont misonéistes. Absolument, oui, tout à fait. C'est-à-dire hostiles au changement. Tout à fait, ils sont misonéistes, ils sont hostiles au progrès. Edmond écrira d'ailleurs, à la fin de sa vie, une petite pièce qui s'appelle « À bas le progrès », dans laquelle il dénonce toutes les formes du progrès. Il dénonce les chemins de fer, et tout ceci est envisagé de façon un peu ironique. Il joue sur son côté très traditionnaliste. Les chemins de fer salissent les belles reliures de ma bibliothèque. Il est hostile à l'électricité parce que l'électricité crée une lumière blanche trop violente par rapport à la douceur de la lumière des lampes à pétrole. Il déteste le téléphone parce que le téléphone, bon, est invasif dans l'intimité des individus. Puis on est sonné comme son maître d'hôtel. C'est un petit peu ça. Il y a en même temps un aspect très moderne de cette historiographie. Ce n'est pas une historiographie du politique, c'est une historiographie des sociétés et presque de ce que nous appellerons aujourd'hui, c'est très vivant dans notre histoire telle qu'elle est pratiquée, l'histoire des mentalités, des sensibilités. Absolument, c'est une histoire, presque une histoire culturelle, qui s'intéresse au quotidien. C'est une histoire qui abandonne le récit chronologique. C'est une histoire qui laisse de côté les grands événements. C'est une histoire qui laisse de côté les grands hommes aussi pour s'intéresser à la vie quotidienne, pour s'intéresser à tous les supports de la vie quotidienne qui peuvent nous faire connaître ce passé. Les Goncourt s'intéressent aux affiches, ils vont s'intéresser aux rapports de police, ils vont s'intéresser aux caricatures qu'ils étudient, à tous ces petits détails que les historiens, pour la plupart, ignoraient encore. Qu'aujourd'hui, ils prennent comme des sources spécifiques et qu'ils aiment. Et à cet égard, bon, les Goncourt sont un peu précurseurs. Alors il faut maintenant, Pierre Dufieffe, que nous en venions à l'évolution qui conduit ces aquarellistes, ces peintres un peu du dimanche, ces historiens que vous venez de définir vers la littérature en tant que telle. Le tournant est essentiel et il faut le comprendre, puisque c'est ce tournant qui explique qu'aujourd'hui nous y consacrions une émission. Oui, tout à fait. Bon, ils sont connus, évidemment, d'abord par leurs travaux de plume et par leurs écrits. Alors, la conversion à la littérature s'est faite assez tôt. Hein. Elle s'est faite à la faveur du voyage qu'ils ont fait tous les deux après la mort de leur mère en Algérie. Et lors de ce voyage, ils commencent à tenir un carnet de voyage. Ils diront, c'est ce carnet de voyage qui nous a convertis, qui nous a fait passer de la peinture à l'écriture. Et je dirais que c'est l'embryon du futur journal, hein, puisqu'ils prennent des petites notes, ils commencent à rédiger des descriptions de paysages. Et bon, à partir de ce moment-là, donc ils vont ensuite passer par le journalisme, par le petit journalisme. Ils vont publier quelques articles sur les théâtres et se convertir ensuite à la littérature romanesque un peu plus tard en publiant toute une série de romans sur lesquels on va revenir. Et c'est là qu'ils commencent de chercher une place dans le milieu des gens de lettres de l'époque. Ils les considèrent dans leur journal avec un regard, là encore, qui n'est pas un regard tendre. Je vais vous donner à entendre une petite sélection de la manière dont ils parlent de Baudelaire, de Verlaine, de Balzac, de Michelet dans leur journal. Baudelaire soupe à côté, sans cravate, le col nu, la tête rasée, en vraie toilette de guillotiné. Une seule recherche, de petites mains lavées, écurées, mégissées. La tête d'un fou, la voix nette comme une lame. Une élocution pédantesque, vise au Saint-Just et l'attrape. Se défend assez obstinément et avec une certaine passion rêche d'avoir outragé les mœurs dans ses vers. Malédiction sur ce Verlaine, sur ce soulard, sur ce pédéraste, sur cet assassin, sur ce couard traversé de temps en temps par des peurs de l'enfer qui le font chier dans ses culottes. Malédiction sur ce grand pervertisseur qui, par son talent, a fait école dans la jeunesse lettrée de tous les mauvais appétits, de tous les goûts antinaturels, de tout ce qui est dégoût et horreur. Balzac est peut-être moins un grand anatomiste physiologique qu'un grand peintre d'intérieur. Il me semble parfois qu'il a plus observé les mobiliers que les caractères. Michelet me fait l'effet de voir l'histoire comme un homme qui, de la butte Montmartre, verrait Paris par un temps de brouillard avec quelques éclaircies. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. C'était Pierre Dufiève, c'était une lecture de Denis Manuel dans Panorama de Jacques Duchâteau sur France Culture le 20 novembre 1989. Personnages qui ne sont pas vus, diront, selon leur bon profil. Je dirais que les Goncourt sont très attachés à une notion particulière de la vérité. Ils parlent de vérité momentanée. C'est-à-dire que dans le journal, les individus apparaissent de façon kaléidoscopique, hein, tantôt sous un jour extrêmement négatif, tantôt sous un jour parfois plus positif. C'est le temps des photographies de Nadar. Absolument, c'est l'instantané qui a fixé tous ces personnages d'ailleurs. Tout à fait. Hein. On est vraiment dans l'instantané. Et alors j'en prendrai comme exemple celui de Baudelaire. Le portrait est très critique et Edmond écrira ailleurs que Baudelaire est un très grand poète, hein, au tome 7 de son journal. Donc on voit, si vous voulez, là, portrait physique de Baudelaire et ailleurs une reconnaissance de la valeur de Baudelaire, qui est très proche d'ailleurs des Goncourt à beaucoup d'égards. Hein, la misogynie, le refus de la femme, parce que la femme incarne la nature, le goût de l'artifice, le goût du factice, une profonde mélancolie, l'ennui, etc. Hein, ce sont des écrivains qu'il faut absolument rapprocher. Le portrait de Verlaine, lui aussi, hein, est un portrait singulièrement critique. Et pourtant, Goncourt apprécie Verlaine, et Verlaine admire Goncourt. Les Goncourt ont écrit sur l'art du XVIIIe siècle, et leur texte inspirera Verlaine, notamment les passages sur Watteau, des poèmes de ses fêtes galantes. Edmond rencontrera Verlaine au moment de la Commune, il ira le voir, il le rencontrera chez son ami Burti. Donc, je dirais que ces caricatures fortes, saisissantes, qu'on retient, mais il faut toujours les confronter à d'autres images, à d'autres représentations, dans la mesure où cette vérité, comme je le disais, est une vérité de l'instant. Je salue, Pierre Dufiève, ce plaidoyer pour vos frères Goncourt, que vous aimez tant. Mais j'en vois aussi des faiblesses. Hein. Je n'en doute pas. Ils s'installent dans leur dans leur monde, qui est un monde d'écrivain. Et est-ce que ce monde tel qu'il est vous paraît annoncer déjà le monde de ceux d'aujourd'hui, le monde des lettres tel qu'il se dessine, notamment autour de l'Académie Goncourt, héritage précieux de nos deux frères? Oui, alors le monde des lettres de l'époque est un monde qui vit, qui a ses lieux de sociabilité très importants, sociabilités qui sont des sociabilités de repas souvent. Les écrivains se retrouvent à table. Les Goncourt ne vivent pas du tout comme les autres écrivains de l'époque, sauf Flaubert, à certains moments, ne vivent pas isolés. Hein, ils vivent en groupe. Ils se retrouvent lors des dîners Magny. Qui était Magny? Magny était un restaurateur qui tenait un restaurant rue de la Contrescarpe Dauphine, un restaurant qui était très prisé à l'époque, très gastronomique. Aujourd'hui, c'est Drouin qui accueille les rencontres de l'Académie Goncourt. Donc, à l'époque, c'était pas tout à fait les repas de l'Académie Goncourt, dans la mesure où c'était des repas où il n'y avait pas seulement des écrivains, puisque Berthelot y assiste, Renan, des savants y sont présents. Donc, une sociabilité de repas. Et puis certains qui avaient leur jour, les ateliers, la princesse Mathilde que vous citiez tout à l'heure, qui est la fille de Jérôme Bonaparte. La princesse Mathilde reçoit, à partir de 1862, elle reçoit les Goncourt, elle va les recevoir dans son salon de la rue de Courcelles, où elle accueille des peintres, elle accueille des écrivains. C'est le côté culturel du Second Empire. Et elle les accueille aussi en vacances dans son château de Saint-Gratien. Et donc, il y a effectivement ces rencontres régulières chez la princesse Mathilde. Il y a les rencontres, il y a les repas chez Zola. Il y a, à partir de 1885, les rencontres très régulières dans le grenier d'Auteuil, où Edmond avait fait installer le haut de sa maison, un lieu de causerie et de rencontres. Où on est d'ailleurs cette maison? On a réussi à la sauvegarder ou pas? Oui, cette maison a une histoire assez complexe, puisque l'Académie Goncourt a refusé d'y être accueillie il y a bien longtemps, et elle est devenue la maison des écrivains. J'ai entendu dire que le grenier serait restitué à l'Académie Goncourt. C'est une affaire à suivre. Vous évoquiez la princesse Mathilde, c'est-à-dire une personnalité proche forcément de Napoléon III, on est sous le Second Empire. Il est temps d'en venir aux relations entre les frères Goncourt, dont nous parlons ce matin, et la politique. Ils s'en tiennent à distance et en même temps, celle-ci les marque. 1848, la révolution est importante pour eux. Oui, 1848 est une révolution dont ils sont les spectateurs, puisqu'ils habitent à l'époque boulevard des Capucines et les plus grandes manifestations parisiennes. Et les tirs sur la foule se produiront dans ce quartier. Donc ils sont les spectateurs. Enthousiaste en février, en mai. Inquiet, oui, et en juin, au moment des terribles journées de juin où le peuple de Paris est écrasé. Que Flaubert décrira dans l'éducation sentimentale, cette répression terrible. Les Goncourt, qui sont des hommes d'ordre, marquent leur distance. Et ils disent que finalement, une répression excessive, trop violente, n'engendre rien de bon et plutôt de la violence à retardement. Mais il y a un moment essentiel, et on rattache souvent leur histoire à ce moment-là, on se préoccupe de leur regard, c'est le moment de la Commune. Tout à fait. La Commune, nous allons commémorer l'histoire très prochainement, le 150e anniversaire. Écoutez la manière dont il raconte, il s'agit évidemment, il n'y a plus qu'Edmond de Goncourt, dont Edmond de Goncourt raconte dans son journal ses impressions de la Commune. Il est resté à Paris pendant ce temps-là et il évoque à la fois les ruines, avec ce qu'elles peuvent avoir d'esthétique, et l'horreur des fusillades, écoutez-le. C'est une archive de France Culture, le 5 décembre 1966. Le palais royal est incendié, mais ces jolis frontons des deux pavillons sur la place sont intacts. Les Tuileries sont à rebâtir sur le jardin et sur la rue de Rivoli. On marche dans la fumée, on respire un air qui sent à la fois le brûlé et le vernis d'appartement, et de tous côtés on entend le pchit des pompes. Il est encore dans bien des endroits des traces et des débris horribles de la bataille. Ici, c'est un cheval mort, là, près des pavés d'une barricade à moitié démolie, des képis baignent dans une mare de sang. De l'autre côté du quai, le palais de justice a le toit de sa tour ronde, décapité. Les bâtiments neufs n'ont plus que le squelette de fer de leur toiture. La préfecture de police est un éboulement brûlant, dans les fumées bleuâtres duquel brille l'or tout neuf de la Sainte-Chapelle. Par de petits sentiers faits au milieu des barricades qui ne sont pas encore démolies, j'arrive à l'hôtel de ville. La ruine est magnifique, splendide. Avec ses niches vides, ses statuettes fracassées ou tronçonnées, son restant d'horloge, ces découpures de hautes fenêtres et de cheminées restées, par je ne sais quelle puissance d'équilibre, debout dans le vide avec sa déchiqueture effritée sur le ciel bleu, elle est une merveille de pittoresque. À garder, si le pays n'était pas condamné sans appel aux restaurations de M. Viollet-le-Duc. Je regagne le Châtelet par le quai. Tout à coup, je vois la foule prendre les jambes à son cou comme une foule chargée un jour d'émeute. Des cavaliers apparaissent, menaçant, le sabre au poing, faisant cabrer leurs chevaux, dont les ruades rejettent les promeneurs de la chaussée sur le trottoir. Au milieu d'eux s'avance une troupe d'hommes, en tête desquels marche un individu à la barbe noire, au front, bandé d'un mouchoir. J'en remarque un autre. L'escorte fait marcher ses hommes au pas de course jusqu'à la caserne Lobo, où la porte se referme sur tous, avec une violence, avec une précipitation étrange. Presque au même instant fait explosion comme un bruit violent enfermé dans des portes et dans des murs, une fusillade ayant quelque chose de la mécanique réglée d'une mitrailleuse. Il y a un premier, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième. Rah ! Homicide. Puis un grand intervalle, et encore un sixième, et encore deux roulements précipités l'un sur l'autre. Ce bruit semble ne devoir jamais finir. Enfin, ça se tait. Et pendant que deux fourgons fermés entrent dans la cour, se glisse dehors un ecclésiastique, dont on voit longtemps le long du mur extérieur de la caserne, le dos maigre, le parapluie, les jambes molles à marcher. Quelle évocation, Pierre Dufieff ? Ah oui, une très belle évocation. Bon, Edmond se retrouve seul, donc Jules est mort en juin 70, et il va vivre seul la guerre de 70, le siège de Paris, puis ensuite la Commune. Et il va passer ses journées à se promener dans la capitale. Il n'écrit plus, sinon son journal quotidien, pour évoquer les choses vues de ce siège de Paris. Sous vue, c'est le nom d'un fameux livre de Victor Hugo, donc vous reprenez ce titre. Absolument. Et donc, il souffre avec les Parisiens de la disette. Petit à petit, on mange du rat, on mange les éléphants du Jardin des Plantes. Et donc, Edmond évoque les souffrances collectives. Il se réfugie lorsque Paris est bombardé. Il se réfugie dans la cave de sa maison d'Auteuil, qui un jour reçoit d'ailleurs un obus. Il transporte en vitesse ses collections dans le centre de Paris pour qu'elles ne soient pas détruites. Donc, il vit de l'intérieur cette souffrance collective de la capitale. Mais en même temps, il porte sur les événements et sur les transformations de la ville un regard constamment curieux. Il observe les arrivées Paris dans les jardins publics, le bétail qu'on a introduit dans la ville pour alimenter la population, le bétail qui va bientôt disparaître, mange dans les squares. Les arbres des bois voisins de la capitale ont tous été coupés pour garder une visibilité sur l'extérieur. Les Parisiens assistent comme à une sorte de spectacle aux canons qui tirent sur la ville. Donc chez Edmond, il n'y a jamais de peur. Mais il y a une constante esthétisation des spectacles de la Commune, dont il fait en quelque sorte des tableaux, des objets d'art, comme dans le beau texte qu'on vient de lire sur ces ruines de Paris. Et il ne sera pas le seul d'ailleurs à chanter cette poésie des ruines. Et on dit qu'il y aura même un tourisme des ruines qui va s'installer à ce moment-là et que des guides sont écrits pour orienter, conduire les visiteurs sur les lieux de ces ruines. C'est peut-être le lieu de citer le très beau livre d'Alain Schnapp consacré aux ruines qui vient de paraître et qui a été célébré sur les antennes de France Culture. Il garde, je parle d'Edmond de Goncourt, il garde un sentiment d'inquiétude sociale, néanmoins, qui parcourt son journal. Tout à fait. Il y a une inquiétude sociale qui est très forte, qui était déjà présente au moment de 1848. Qui parcourt les souvenirs de Tocqueville de façon prégnante. Absolument. Et une inquiétude très forte qu'on retrouve d'ailleurs chez les écrivains qui fréquentent. Inquiétude très forte qui est là chez Flaubert, qu'on lit dans sa correspondance. Inquiétude très forte qu'on trouve également chez un proche de Flaubert qui est Maxime Ducamp. Et Goncourt finalement n'approuvera pas la répression et les fusillades. Le texte qu'on vient de lire le montre bien. Il pensera, comme le pensera Zola dans la débâcle, que c'est un mal nécessaire pour rendre à la France une paix sociale qu'il considère comme absolument nécessaire. Bon, il n'est pas du côté de Jules Vallès, il n'est pas du tout du côté des communards, mais il va quand même pas rompre les ponts avec eux. Néanmoins, il blâme Victor Hugo dans ses combats, Victor Hugo qui n'aime pas, dans ses combats contre, pour l'amnistie des communards. Il n'est pas du tout d'accord, ni avec Hugo, ni avec Sand, qui plaide la totale amnistie des communards. Il pense que la répression, si cruelle qu'elle soit, est malgré tout nécessaire pour rétablir l'ordre. Et d'ailleurs, dans les années qui suivent, il rejoint l'état d'esprit de l'ordre moral qui domine la France jusqu'au succès de Gambetta, qui n'aimait pas, jusqu'au succès de la République. Oui, alors c'est-à-dire les années 70. Absolument. C'est paradoxal, effectivement, parce que Goncourt, écrivain hostile à la censure, désireux de liberté, écrivant sous l'ordre moral un roman sur la prostituée, la fille Elisa, défend l'ordre moral à l'opposé d'un Flaubert qui, dans sa correspondance, se moque constamment de Mac Mahon et de son régime qu'il considère comme archaïque et stupide. Mac Mahon qui est le président de la République de ces années 70, de l'ordre moral, après Adolphe Thiers. Oui. Et donc, nous aurons ensuite une sympathie d'Edmond de Goncourt pour le boulangisme. Edmond de Goncourt, contrairement à Daudet, qui prendra ses distances, a un instant de sympathie pour Boulanger. Bon, ça ne durera pas. D'ailleurs, le boulangisme ne durera pas. Et puis, il aura, lorsque les attentats anarchistes vont se déclencher, là encore, un réflexe de défense assez fort, demandant des peines très sévères contre les anarchistes. Il faut dire que lui-même avait été indirectement et légèrement victime des anarchistes qui avaient tiré sur les fenêtres de la maison d'Auteuil et qui avait distribué dans sa boîte à lettres des tracts incendiaires. Pour cette période, il vous paraît complètement dépassé, ou bien dans cette figure d'Edmond de Goncourt, seul survivant du couple Gemellaire, est-ce qu'on peut trouver des modernités? Je pense qu'il y a des échos sur lesquels il faudrait insister aujourd'hui, à la fois du point de vue littéraire et peut-être du point de vue politique, un antimodernisme. Oui, il y a un antimodernisme, il y a un refus chez Goncourt d'être dans le courant, de suivre le mouvement. Hein. Il est être en réaction, ça veut dire contester, ne pas suivre la foule, sans pour autant, je dirais, être aveugle. Hein. Edmond Goncourt se veut lucide. Au moment de l'affaire Dreyfus, on pensait qu'il aurait été anti-Dreyfusard. Il y a une petite note dans le journal dans laquelle il évoque la dégradation de Dreyfus et il dit ce Dreyfus dont je ne suis pas du tout sûr de la culpabilité. Enfin, il est mort avant que l'affaire commence, en fait. Avant, il était plus lucide que d'autres à ce moment-là, absolument, que Clémenceau ou Jaurès, par exemple. Tout à fait. Avant que l'affaire ne prenne son cours véritablement, effectivement. Edmond de Goncourt a joué un rôle de précurseur, d'initiateur, non seulement sur le plan littéraire, mais précurseur aussi dans le domaine de l'art. Très tôt, les Goncourt se sont passionnés pour les dessins du XVIIIe siècle, qu'ils ont collectionnés dès leur jeunesse, hein, dessins de Boucher, dessins de Fragonard. Donc, ils ont constitué une collection très importante de dessins, et ils se sont passionnés aussi relativement tôt, peut-être moins tôt qu'ils ne le disent, mais ils se sont passionnés aussi pour l'art japonais. Les Goncourt, ce sont aussi les pères du naturalisme. Zola, par exemple, a toujours manifesté sa dette à leur égard. Oui, Zola admirait beaucoup les Goncourt. Alors, ils ont créé le naturalisme, qui est une étiquette surtout retenue par Zola. Ils ont été naturalistes à la fois par la topographie qu'ils ont choisi de retenir, peindre les quartiers populaires, peindre les périphéries de la ville, peindre l'hôpital dans Sœur Philomène, un lieu qui jusqu'à présent n'avait jamais été retenu par les romanciers, décrire la prison dans La fille Elisa. Donc il y a chez eux une topographie naturaliste, il y a aussi des personnages spécifiques du naturalisme. Il y a le désir de peindre le peuple, pas un peuple idéalisé à la manière de Victor Hugo, un peuple dans sa réalité quotidienne, un peuple avec sa physiologie, car pour les naturalistes, la vie du corps est absolument essentielle, et chez les Goncourt, celle-ci va prendre une place déterminante. Il n'ignore pas ses besoins du corps, et ceci d'ailleurs suscitera des réactions affolée de la princesse Mathilde qui, lorsqu'elle lira Germinier Lacerteux, poussera de grands cris quand je pense que cette femme est une femme comme moi. Il y a toujours une littérature aujourd'hui naturaliste? Oui, je pense qu'il y a un héritage naturaliste. Je pense à Houellebecq, à des auteurs comme lui qui, effectivement, s'inscrivent dans cette tradition du naturalisme qui est Je dirais, on avait publié chez Champion un dictionnaire des naturalismes qui montre bien que le naturalisme est un phénomène qui s'est répandu à l'échelle mondiale et en France qui perdure. Des Goncourt à Michel Houellebecq. Alors accompagnons-le jusqu'à la fin, Edmond de Goncourt, Pierre Dufieff. Ces années 70 sont marquées dans son cas par une grande affection pour Alphonse Daudet, qui est de 20 ans son cadet, et dont il fait une sorte de fils spirituel. Daudet l'a accompagné sur son lit de mort. Écoutez cet extrait des souvenirs de celui-ci, qui évoque cette disparition en juillet 1896. C'est une lecture de France Culture le 5 décembre 1966. J'ai songé à modifier notre titre comme vous le désiriez, dans un sens de simplicité, de bonne enfance. J'ai pensé à la table des Goncourt, au prix des Goncourt, mais un scrupule m'a toujours retenu. Mon frère et moi, nous avons eu cette idée ensemble. Nous avons travaillé tous les deux pour fonder l'Académie des Goncourt, et les décisions prises à nous deux, je ne me crois pas le droit de les changer à moi tout seul. Ah, si Jules vivait encore, nous aurions à modifier bien des articles. Nous sommes descendus à l'allée du curé, remontés par le petit bois, et tout le temps, il m'a parlé de son frère. C'est singulier. Jules est mort en 1870. Eh bien, pendant 15 ans, jusqu'en 1885, moi qui rêve beaucoup, jamais je n'ai fait un rêve où il ne fut pas. Tout à coup, il a disparu de mes songes. Dans la journée, je pensais à lui, son souvenir me hantait, autant qu'auparavant, mais dans mes rêves, dans ma vie nocturne, il n'existait plus. Et cela pendant 10 ans. Une nuit, l'année dernière, mon frère est revenu. Je rêvais je ne sais quoi, une bêtise. Seulement Jules était là. Et depuis, il n'a jamais cessé d'y être. Cette nuit encore, il était de mon rêve avec moi. Jules réapparaît. D'ailleurs, un des derniers écrits d'Edmond est consacré à deux clowns qui sont un peu métaphoriquement le reflet peut-être des deux frères. Oui, les frères Zamgano, en 1879, dans lequel Edmond essaie de faire revivre leur affection fraternelle et essaie aussi de rendre à chacun sa part dans la création littéraire. Il essaie de montrer que lui était davantage peut-être la volonté mobilisatrice, le constructeur, celui qui structurait, alors que Jules était davantage du côté du style, de la fantaisie, de l'ornement littéraire. Il est le constructeur de l'Académie des Goncourt, il tient à ce titre à l'origine, et c'est évidemment pour ça que aujourd'hui le grand public connaît le mieux son nom. D'où vient l'idée en fait? L'origine est mal connue. Edmond, après la mort de Jules, en 1874, écrit un premier testament dans lequel il prépare cette académie. En 1882, il fait des confidences à un journaliste, Hervilly, qui va annoncer au grand public le projet de la création d'une académie. Dirigé en partie contre l'Académie française, en fait. Dirigé en partie contre l'Académie française, oui, avec le désir faire une académie qui serait réservée aux gens de lettres, exclusivement aux gens de lettres, et une académie qui ferait la part belle aux romans. Edmond souffrait beaucoup, considérait que le roman était méconnu, que l'Académie n'avait élu un romancier, Jules Sandeau, que très tardivement, je crois en 1856. Donc il voulait faire une académie pour les romanciers. Et il voulait faire une académie qui ne soit pas académique. Et ça, la phrase, les remarques de Daudet sont justes. Ce qui caractérise les Goncourt, c'est leur souci constant de nouveauté, de renouvellement, et leur refus des traditions académiques, que ce soit dans le domaine de la peinture ou dans le domaine de la littérature. Et pour eux, l'Académie était une institution de reproduction, ce qui ne voulait pas que leur institution à eux devienne. Il faudra d'ailleurs quelques années après sa mort pour que l'Académie Goncourt prenne véritablement vie, avec le premier prix Goncourt. 1903, avec un personnage extrêmement connu qui s'appelle Monsieur No. Jean-Antoine No, Force ennemie, qui est un roman assez complètement oublié, fantastique, qui représente un individu habité par une sorte de double, mais dont aujourd'hui on ne parle plus, effectivement. Mais au total, quelle est l'actualité à vos yeux, Pierre Dufieff, des frères Goncourt? Comment expliquer que l'intérêt soit réapparu beaucoup plus vif ces deux dernières décennies en leur direction? Les Goncourt ont une originalité, ce sont des créateurs de formes, ce sont des auteurs qui ont déstructuré le récit, qui ont eu des curiosités multiples, qui ont pratiqué la fantaisie, qui ont pratiqué la prose poétique. Ils ont une palette excessivement diverse. Ça, c'est actuel ? Je pense qu'on voit bien, d'ailleurs, dans les prix Goncourt, il y a constamment un souci de renouvellement des formes, et je pense que les Goncourt, à leur manière, ont constamment, dans leurs romans, tenté de renouveler les formes, passant du naturalisme à la littérature fin de siècle, passant du poème en prose à la caricature, passant du journal au récit historique. Il y a une polyphonie de leur œuvre qui est très caractéristique. Ça, c'est le versant littéraire. Le versant politique, celui des sensibilités d'une époque, est-ce que les citations que nous avons données les font basculer définitivement dans un passé lointain, ou bien peut-il y avoir des échos, par exemple, dans une mise en cause du progrès qui caractérise notre époque ? Je ne dirais pas que les Goncourt aient été des écologistes, mais ils ont été quand même très attentifs aux méfaits d'un progrès non dominé, d'un matérialisme qui s'emballe, d'un capitalisme qui commençait à s'affirmer très fortement à leur époque. Leur antisémitisme est lié à leur hostilité à la grande banque. Ils sont sur le plan idéologique antilibéraux, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Ils pensent que la liberté économique, ce ne sont pas des économistes, mais a des effets très négatifs sur la situation des classes populaires. Ils sont modernes aussi dans un certain nombre de prises de position sociales favorables à l'évolution plus humaine de l'hôpital, dans leur premier roman, Sœur Philomène, favorables à l'amélioration de la cause de la situation des prisonniers dans leur roman La fille Elisa. Donc il y a chez eux malgré tout un engagement social et une attention qui peut avoir effectivement son retentissement encore aujourd'hui à tous les méfaits peut-être d'un certain libéralisme trop débridé. Eh bien, les voilà proches pour finir. Votre livre majeur, Pierre Dufieff, écrit en complicité avec Jean-Louis Cabanès, s'appelle « Les frères Goncourt, hommes de lettres », paru chez Fayard l'an dernier et qui a obtenu le prix Chateaubriand. J'ai évoqué aussi le livre de Pierre Ménard, très jeune biographe, qui a publié, je ne sais pas si c'est un pseudonyme, Pierre Ménard, parce que c'est le nom d'un personnage de Borges, celui qui avait recopié Don Quichotte en lui donnant une autre portée. Pierre Ménard a publié Les Infréquentables Frères Goncourt chez Talendier. Tout récemment, il a eu le prix de la biographie du Point. Je voudrais aussi signaler la vitalité du festival du journal intime, tout neuf. On va avoir la troisième édition cette année, qui se tient à Saint-Gildas de Ruys, sous les auspices de Carino Haro Glavani. Et vous avez naturellement votre place. La bibliographie qui est disponible sur le site de l'émission est naturellement plus complète avec les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter et télécharger cette émission comme plusieurs centaines d'entre elles depuis 2011. Xavier Mauduit, la semaine prochaine, parlera de la langue française avec notamment l'excellent historien de la langue qui est Bernard Cerchiglini. Et samedi prochain, nous nous retrouvons pour parler, ce sera une forme d'hommage, des librairies d'un siècle à l'autre avec comme titre, Les librairies, un long besoin. Je recevrai pour cela Patricia Sorel. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Yann Fressy à la prise de son, François Merlin à la discothèque, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Hervé Evano. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.